The Museum. Thank you. chanson sur le sexe, ce qu'on m'a dit un jour, j'avais pas, jamais compris. On m'a dit non, mec, j'arrive pas à avoir satisfaction. Ah oui, ça, je connais ça. J'arrive pas à le faire. But I don't mind.